إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إن المؤمن ليس معصوما من الخطيئة، وليس في معزل عن الوقوع في الذنب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، لو لم تذهبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وكم من مذنب اشتد قلقه وعظم كمده، وتعتصره كآبد الخطيئة، ويتطلع إلى صبح قريب يشرق بنور التوبة والاستقامة والهداية والإنابة. وإن الشعور بوطأة الخطيئة والندم على سالف المعصية والاعتراف بالذنب هو سبيل التصحيح والمراجعة وطريق العودة. وأما ركن التوبة الأعظم وشرطها المقدم، فهو الإقلاع عن المعصية والنزوع عن الخطية. ولا توبة إلا بفعل المأمور واجتناب المحظور. قال تعالى: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، التوبة خضوع وانكسار، وتذلل واستغفار، وابتعاد عن دواعي المعصية ونوازغ الشر ومجالس الفتنة وسبل الفساد وأصحاب السوء وقرناء الهوى. التوبة صفحة بيضاء وصفاء وخشية وبكاء وتضرع ونداء وسؤال ودعاء. التوبة خجل ووجل ورجوع وإنابة وتدارك. التوبة نجاة من كل غم وجنة من كل هم، بابها مفتوح ما لم تغرغر الروح. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Chers musulmans et musulmanes, sachez que le croyant n'est pas exempt de commettre des péchés. Le croyant n'est pas protégé dans le fait de commettre une erreur ou une désobéissance à Allah Azza wa Jal. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne faisiez pas de péché, Allah vous aurait exterminé. Et il aurait apporté à votre place un peuple qui commettrait des péchés et qui demanderait à Allah de leur pardonner, et Allah leur pardonnerait. Et dans le hadith de Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout fils d'Adam commet des erreurs, et le meilleur de celui qui commet les erreurs est le repentant. Combien de personnes commettent des péchés, et cela les dérange, cela les ronge de l'intérieur. Il attend cette lueur d'espoir dans laquelle il pourra accomplir son repentir. Une lueur qui n'hésitera pas à suivre pour ainsi emprunter le chemin droit de la repentance et de la guider. Et le fait de ressentir une gêne, le fait de ressentir que sa poitrine est serrée est une étape importante pour se réformer et pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'un des piliers fondamentaux du repentir, c'est le fait de s'abstenir de commettre le péché. Le fait de s'abstenir de commettre les péchés. Et le repentir ne peut être accepté que de celui qui arrête de commettre le péché et qui accomplit de bonnes œuvres. Il dit subhanahu wa ta'ala sur le sens. Et s'ils se repentent, cela est meilleur pour eux. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala: et repentez-vous tous ensemble, ô vous croyants. Repentez-vous à Allah tous ensemble. Peut-être connaîtrez-vous la réussite. Allah Azza wa Jalla dit également: s'ils cessent, c'est-à-dire de commettre leurs péchés, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que le repentir est une humiliation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le repentir signifie demander le pardon à Allah, signifie reconnaître ses péchés, demander à Allah Azza wa Jalla de nous excuser. Le repentir signifie de s'éloigner des assises dans lesquelles Allah Azza wa Jalla est désobéi. Se repentir signifie s'éloigner des mauvaises personnes, celles qui te tirent vers le bas, celles qui t'encouragent, non pas à adorer Allah et à lui obéir, mais au contraire à s'en éloigner et à lui désobéir, subhanahu wa ta'ala. Le repentir, chers musulmans et musulmanes, c'est comme une page blanche que tu tournes. Le repentir est accompagné de crainte à Allah subhanahu wa ta'ala. Le repentir est constitué d'un appel à Allah azza wa jal, d'une invocation du Seigneur des mondes, une invocation accompagnée elle-même de peur et d'espoir, la peur du châtiment d'Allah et l'espérance de la récompense d'Allah Azza wa Jal. Le repentir, c'est une aspiration et c'est une crainte. Le repentir, c'est le fait de se ressaisir. Le repentir permet aux musulmans d'être préservés de tout mal-être. Le repentir te préserve de tout souci. La porte du repentir est ouverte à toi, chers musulmans et musulmanes, tant que ton âme n'atteint pas la gorge. Abu Huraira radiallahu anhu dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous faisiez des erreurs jusqu'à ce qu'elles atteignent les cieux, puis que vous vous repentiez à Allah, Allah acceptera votre repentir. Et dans le hadith d'Abu Dharr radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah Azza wa Jal a dit: ô mes serviteurs, vous commettez des péchés de nuit comme de jour, et je pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc pardon, je vous pardonnerai. Et dans le hadith de Anas, radiallahu anhu, il dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah Azza wa Jal a dit: ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères de moi, je te pardonnerai les péchés que tu auras commis sans y prêter attention. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les hauteurs des cieux, puis que tu me demandes pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi, si tu venais à moi avec l'équivalent de la terre et ce qu'elle contient en péché, je viendrai et que tu me rencontres sans m'associer quoi que ce soit, je viendrai à toi avec autant de pardon et de miséricorde. Faya lahu min fadlin azim, waya lahu min ata'in jasim, min rabbin karim wa khaliqin rahim. أكرمنا الله عز وجل بعفوه وغشانا بحلمه ومغفرته وفتح لنا باب توبته يعفو ويصفح ويتلطف ويسمح وبتوبة عبده يفرح غافر الذنب وقابل التوب يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يبسط الله عز وجل يده, يبسط الله يده بالليل ليتوب مسيء النهار, ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فأكثروا عباد الله من التوبة والاستغفار, فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من التوبة والاستغفار. قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أخرجه البخاري. وعن الآخر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. أيها المسلمون, هذه التوبة قد شرعت أبوابها وحل زمانها, فاقطعوا حبائل التسويف وامحوا سوابق العصيان بلواحق الإحسان, وحاذروا غوائل الشيطان, ولا تغتروا بعيش ناعم خضل لا يدوم. توبوا على الفور وأحدثوا توبة لكل ذنب, لكل الذنوب التي وقعت, وتوبوا من المعاصي ولو تكررت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا أصاب ذنبا فقال رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا فقال رب أذنبت آخر فاغفره. فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا فقال رب أذنبت آخر فاغفره لي. فغفر. فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ فغفرت لعبدي. متفق عليه. وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له. Chers musulmans et musulmanes, ceci nous montre les mérites immenses et la clémence immense d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa pitié. Allah azza wa jal nous a comblés de sa clémence. Allah azza wa jal nous a englobés de sa douceur et de sa miséricorde. Allah azza wa jal a ouvert pour nous les portes du repentir. Allah azza wa jal pardonne. Allah azza wa jal accepte le repentir de son serviteur. Et Allah azza wa jal est heureux lorsque son serviteur se repent à lui. Ghafir al-dhanbi wa qabil at-tawb. Allah Azza wa Jal, le pardonneur des péchés, celui qui accueille le repentir. Allah Azza wa Jal, celui qui accepte le repentir de ses serviteurs et qui pardonne les péchés. Il dit Azza wa Jal, et ton Seigneur est miséricordieux envers les gens malgré leurs méfaits. Et il dit aussi Subhanahu wa Ta'ala, et celui qui commet un mal ou une injustice, ou commet de l'injustice à sa propre âme, puis demande le pardon à Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Allah Azza wa Jal, comme nous en informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, Allah Azza wa Jal tend sa main la nuit, afin que se repente celui qui a commis les péchés la journée. Et Allah tend sa main la journée, afin que se repente celui qui lui a désobéi la nuit. Et ceci jusqu'à ce que le soleil se lève de l'endroit où il se couche. Ainsi, serviteur d'Allah, redoublez de repentir et de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Car ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il demandait énormément pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira radiallahu anhu a même dit, je n'ai jamais vu une personne demander plus le pardon à Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, je demande le pardon à Allah et je me repens chaque jour plus de 70 fois. Et dans le hadith de l'Arabe ibn Yasar al-Muzani radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous les gens, repentez-vous à Allah et demandez-lui le pardon. Quant à moi, je me repens à Allah chaque jour 100 fois. Voici donc le repentir dont les portes vous sont ouvertes. Ainsi, franchissez cette porte pendant qu'il en est encore temps et détachez-vous de ce lien qui vous attache à une quelconque espérance, une espérance dans le temps de vie ou autre, ou une espérance dans le fait qu'Allah Azza wa Jal vous accorde une occasion de vous repentir. Ne retardez pas ce que vous pouvez faire d'ores et déjà. Et faites en sorte de remplacer cette époque où vous désobéissiez à Allah Azza wa Jal par des moments où vous faites preuve de bienfaisance. Prenez garde aux ruses du diable et ne soyez pas dupés par les beautés éphémères de cette vie d'ici-bas. Repentez-vous, chers musulmans et musulmanes, sur le champ. Repentez-vous pour chaque péché que vous avez commis, même si ces péchés sont répétitifs. Abu Huraira radiallahu anhu dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un serviteur a commis un péché, puis a dit, Seigneur, j'ai commis un péché, pardonne-le-moi. Allah Azza wa Jal a dit, mon serviteur, sait-il qu'il a un Seigneur qui pardonne ses péchés? J'ai pardonné à mon serviteur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite à la suite de ce hadith que cet homme a, après un laps de temps, désobéi à Allah Azza wa Jal une autre fois, puis une autre fois, et à chaque fois Allah Azza wa Jal répondait, mon serviteur, sait-il qu'il a un Seigneur qui pardonne ses péchés? J'ai pardonné à mon serviteur. Et dans le hadith d'Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, il dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un serviteur qui commet un péché, puis fait ses ablutions, puis accomplit 2 unités de prière, puis demande le pardon à Allah sans qu'Allah Azza wa Jal ne lui pardonne. أقول قولي هذا واستغفر الله. أخذ مبارك الله فيكم. أبصروه سلموه جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والأمم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، يا عبد الله، يا أمة الله، لا تكن ممن قال أستغفر الله بلسانه وقلبه مصر على المعصية وهو دائم على المخالفة. ليقارن الاستغفار باللسان موافقة الجنان وإصلاح الجوارح، قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون توبوا من قريب أيها المسلمون وبادروا ما دمتم في زمن الإنذار وكل حي غايته الفوت وكل نفس ذائقة الموت قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أيها المسلمون إلى من يلجأ المذنبون وعلى من يعول المقصرون وإلى أي مهر وإلى أي مهرب يهربون والمرجع إلى الله يوم المعاد قال تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء وقال تعالى يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية فأقبلوا على الله بتوبة نصوح وإنابة صادقة شام مسلمان مسلمان ne faites pas partie de ceux qui demandent le pardon à Allah Azza wa Jal avec leur langue. Quant à leur cœur, ils persistent dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Et ils continuent dans le péché. Que la demande de pardon soit accompagnée et soit associée au suivi des membres du corps. Il dit subhanahu wa ta'ala, et pour ceux qui ont commis quelques turpitudes, ou causer quelques préjudices à leurs propres âmes, se souviennent d'Allah, demandent le pardon de leurs péchés, et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah, et qui ne persiste pas, et qui ne persiste pas dans le mal qu'ils ont fait. Chers musulmans et musulmanes, repentez-vous le plus vite possible, et empressez-vous à le faire, pendant qu'il en est encore temps, car tout être humain est voué à disparaître et à mourir. Il dit à Azza wa Jal, quant au repentir, il n'appartient pas à ceux qui commettent des péchés. Puis, lorsque la mort les approche, puis lorsqu'ils sont dans les affres de la mort, c'est à ce moment qu'il dit, je me repens maintenant. Son repentir ne sera pas accepté. De même qu'Allah Azza wa Jal dit, de même qu'il ne sera pas accepté de ceux qui meurent en étant mécréants. Puis Allah Azza wa Jal de conclure ce verset en disant « À cela, nous avons préparé un châtiment douloureux. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'accepte le repentir de son serviteur tant que l'âme n'atteint pas la gorge. » Chers musulmans et musulmanes, vers qui pourront se retourner ceux qui désobéissent à Allah Azza wa Jal? Vers qui peut espérer ou vers qui peut se tourner ceux qui commettent des péchés, vers qui peut se sauver celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal. Le retour sera à Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Il dit Azza wa Jal, le jour où ils compareront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. Et dans le verset de Sourate Al-Haqqa, Allah Azza wa Jal dit, le jour où vous serez exposés, rien de vous ne sera caché. Rien de vous ne sera caché. Ayyuha al-muslimun, ataakum shahrul ghufran, al-murtaja, wal-ata'i wal-rida wal-ra'fati wal-zulfa, ataakum shahrul safhi al-jamil, wal-afu al-jalil, shahrul nafahat, wal-shahru takfiri sayyiat, falyakun shahrukum, bidayat mawlidikum, وانطلاقة رجوعكم وأساس توبتكم ومن لم يتوب في زمن الخيرات والهبات فمتى يتوب ومن لم يرجع في زمن النفحات فمتى يرجع صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين فقيل يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله فقل آمين فقلت آمين. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'un mois béni arrive, le mois du Ramadan, le mois dans lequel les péchés sont pardonnés, le mois dans lequel le musulman peut espérer la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mois de la clémence. Que ce mois soit le début de votre repentir, que ce mois soit la base de votre repentir, que ce mois soit l'élan que vous prendrez pour accourir vers votre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et celui qui ne se repent pas pendant ce mois béni, celui qui ne profite pas de cette occasion pour revenir à Allah Azza wa Jal, quand par Allah pourra-t-il revenir vers son Seigneur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar, puis a dit Amin, Amin, Amin. Les compagnons ont dit envoyé d'Allah, tu es monté sur le minbar et tu as dit Amin, Amin, Amin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, Jibril est venu à moi et m'a dit, celui qui atteint le mois du Ramadan sans que ses péchés ne soient pardonnés, puis entre en enfer, qu'Allah l'éloigne. Dis Amin, j'ai dit Amin. Fallahumma balighna shahr Ramadan. Allahumma ja'alna mimman yudrikuna Ramadan. Allahumma balighna shahra hadha ash-shahr al-karim. Allahumma arzuqna fihi tawba. اللهم ارزقنا فيه توبة نصوحا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا قوي يا متين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.